une histoire particulière. Le 6 février 1934 a lieu à Paris l'une des manifestations les plus importantes et d'une extrême violence. Les manifestants voulaient protester contre la corruption qui existait selon eux dans le personnel politique de la Troisième République et empêcher la formation d'un nouveau gouvernement de centre-gauche. Il y eut une quinzaine de morts et plus de 2000 blessés. Parmi les organisateurs figurent l'association d'anciens combattants, les Croix de Feu, mais aussi la Ligue monarchiste Action Française, la Ligue des Jeunesses Patriotes, ainsi que le groupe Solidarité Française, et même une fédération des contribuables. Au total, guère plus de 30 000 manifestants. Tous se mobilisent sur le thème « Abat les voleurs !» et réclament davantage de civisme et d'honnêteté. On ne va pas être déçus. Tout de suite, Romain Weber et Yvon Croisier vous font revivre le grand scandale de l'affaire Stavisky et la disparition du conseiller Prince. On ne peut dire que le conseiller Prince a le physique de l'emploi. Hein. C'est un magistrat avec un air un petit peu sceptique, peut-être distingué, la moustache un petit peu de rigueur à l'époque, quand on est un fonctionnaire ou un homme politique ou un personnage éminent de la Troisième République. En termes domestiques, en fait, c'est un père de famille tranquille. Donc voilà, c'est vraiment à la fois un père de famille et puis d'autre part un magistrat intègre. Dijon, le 21 février 1934. Le cadavre d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert au kilomètre 311-800 sur la voie ferrée entre les gares de Plombières et de Dijon dans les circonstances suivantes. Alors, c'était un homme plutôt grand pour l'époque, il mesurait 1m78, il était mince, il promenait dans les couloirs du palais une silhouette élégante et fragile. Son ami, l'avocat général Durand, évoquait la finesse de ses traits et parlait d'une figure efféminée. On lui connaît une photo, précisément, dans laquelle il est assis à son bureau, il a un visage aux traits réguliers, on remarque des grands yeux noirs, les cheveux légèrement argentés, plaqués sur le côté droit, dissimulent un début de calvitie. C'est un visage qui exprime le sérieux et la sensibilité. Une certaine gravité teintée de mélancolie. Le corps était déchiqueté et la tête sectionnée se trouvait à une vingtaine de mètres du corps qui était étendu sur le dos, entre les rails de la voie 1. Mélancolie, c'est peut-être le mot. Hein. Quand on le regarde, il a quand même pas l'air particulièrement heureux, cet homme. Probablement que c'est un homme mélancolique, c'était un amateur de musique, il était un peu artiste, donc on peut imaginer, certains le décrivent comme un personnage assez sensible, et donc peut-être un peu mélancolique. Maintenant, était-il heureux en ménage ou pas, je n'en sais rien, il y a eu des hypothèses qui ont été évoquées. Toujours est-il que dans l'apparence, c'était un bourgeois bien rangé, et heureux, et content de lui et de sa famille. Une cordelette en chanvre entourait la jambe, trois tours avec nœud. Mais qui a tué le conseiller Prince, Romain Weber, Yvon Croisier? Alors, Robert Prince était un magistrat assez classique, consciencieux, bon juriste, apprécié de sa hiérarchie. Pierre Cornu-Gentil, avocat. Il avait fait plutôt une belle carrière, puisqu'à 38 ans, il avait été le procureur de la République de Troyes. C'était le fils d'un conseiller honoraire à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il avait épousé la fille du procureur général de Bourges. C'était un catholique votant pour la droite modérée. Il n'avait pour autant aucun lien avec les hommes politiques. Bref, il appartenait à la tradition des magistrats, plutôt conservateurs, mais naturellement respectueux de sa hiérarchie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il avait été nommé chef de la section financière des parquets en octobre 1929. Alors, Albert Prince, c'est Jean-François Mignac, écrivain. Quelqu'un qui enquêté sur l'affaire Stavisky, en fait. Hein. C'est probablement une victime collatérale de l'affaire Stavisky, qui secoue la France à partir de la fin 1933. Stavisky vient de se suicider un mois avant. Jean-Marc Berlière, historien. On est dans une période de violence qu'on a peine à imaginer, hein. Tous les gens hostiles à la République, de l'extrême gauche, le Parti communiste, je veux dire, à l'extrême droite, l'Action française, les Camelots du Roi, ou autres tirent à boulets rouges sur un régime qui serait déconsidéré, qui serait un régime criminel, qui n'hésiterait pas à utiliser la police pour commettre des crimes. Et donc l'affaire Prince arrive, j'allais dire, à point nommé, pour ranimer toute cette violence. Ça a déchaîné les passions et l'imagination. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus, mais c'est la même violence, hein. Bruno Fulini, fin 33 et début 34, la Troisième République connaît une période particulièrement troublée. La faute à un homme, Alexandre Stavisky. Alexandre Stavisky est un personnage de roman. Il est né en Ukraine. Il a très jeune migré en France avec son père. Et il va connaître une existence à la fois brillante et sulfureuse. Il n'imagine pas une seconde devenir dentiste comme son père. Lui, il est plus attiré par le monde des théâtres, par le monde du spectacle, par ce qui brille. Et il va se rendre compte qu'il y a des façons habiles de rentrer tout de suite beaucoup d'argent. Peut-être pas de le gagner, mais de l'encaisser. C'est-à-dire qu'il va s'installer dans une espèce de flux de trésorerie qu'il va générer de toutes sortes de manières. Alors au début, il encaisse des cautionnements pour des spectacles à venir qui ne seront jamais montés. Petite escroquerie, et puis il va aller vers des formes d'escroquerie financière un peu plus élaborées et portant surtout sur des montants beaucoup plus importants. C'est quelqu'un de plutôt élégant, qui aime la fête, qui a compris aussi que par la fête, on pouvait soigner des personnages importants. Beaucoup de rapports de police insistent à la fois sur son train de vie. Dans les années 30, il vit littéralement au Claridge, hein, le palace des Champs-Élysées. Insiste également sur les bons restaurants, l'auberge du Père Jean en particulier, où il traite ses invités. Donc il y a des personnes importantes qui viennent un petit peu s'amuser, s'encanailler avec Stavisky et sa joyeuse bande. Il va s'acheter des protecteurs en soignant un certain nombre de personnalités politiques, auxquelles il va par ailleurs demander des services. Et en particulier, il y en a un qu'il tient bien, c'est un obscur député-maire, un certain Gara, député-maire de Bayonne. Et Stavisky va obtenir que soit créé un petit peu sur mesure, un peu pour lui, un établissement de crédit municipal, ces établissements qu'on appelait chez ma tante, hein, qui servent normalement à faire du petit crédit à des populations qui ne sont pas très riches par définition, puisqu'elles en sont réduites à gager leurs bijoux, leurs menus objets de valeur. Simplement, Stavisky y installe comme directeur un homme totalement à sa solde, qui lui doit tout, un certain Tissier. Et donc Tissier va en fait tenir une sorte de comptabilité double. D'abord, l'argent va être prêté sur des gages qui peuvent être des gages falsifiés, par exemple des émeraudes de synthèse. Et puis surtout, il y a des sortes de carnets à souche, avec une souche et un coupon. Normalement, c'est la même somme qui doit figurer, bien sûr, sur la souche et sur le coupon. Avec Tissier, on a deux sommes différentes. Ce qui fait que Stavisky, via Tissier et ce petit établissement de crédit tout à fait marginal, se retrouve finalement en situation de battre monnaie. Il crée de la monnaie parce que les bons, tant qu'ils ne sont pas remboursés, peuvent être replacés auprès des compagnies d'assurance. Et donc un certain nombre de compagnies d'assurance vont encaisser en quelque sorte ces bons, couvrir ces bons, qui vont finir par représenter une somme absolument colossale. Mais il n'y a pas à l'époque de structure publique de contrôle qui puisse dire « attention, ce minuscule établissement financier » émet des sommes beaucoup trop considérables par rapport à son assise normale. Donc Stavisky n'est pas inquiet. Pendant toute l'année 1933, il fait purement et simplement de la création monétaire, ce qui lui donne une grande aisance et ce qui lui permet de traiter encore mieux qu'auparavant son réseau. Et malchance, il va y avoir un petit décalage dans le temps qui fait que des bons de Bayonne qui arrivent à échéance ne peuvent pas être remboursés. Et donc là, la bulle explose. J'ai fait les comptes, Alex. C'est un désastre. Écurie de course. 3 millions de francs de pertes sèches. Tu es d'accord? Théâtre de l'Empire, une seule saison, perte 6 237 378 francs. Je te fais cadeau des centimes. Je ne compte jamais les centimes. 600 000 francs distribués aux feuilles de chantage. 3 millions et demi engloutis dans la société de presse. 2 millions d'honoraires, de gratifications, de pots de vin pour tes avocats, tes députés, tes généraux en retraite et tes anciens préfets. Je termine, Alex. Perte au casino. 2 250 000 à Biarritz, 5 millions à Cannes. En gros, plus de 22 millions dilapidés en moins de 2 ans. Dilapidés? Mais ces millions ne sont pas dilapidés. Ils sont investis. La seule façon d'attirer l'argent, c'est de le montrer. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit? De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Ils diront, les affaires d'Alexandre battent de l'aile. Et ça sera la curée. Mais c'est vrai qu'elles battent de l'aile, Alex. Et les bons de Bayonne? Il y a 8 jours, 3 millions de bons sont venus à échéance. Tu n'as pas pu les rembourser. Dans un mois, 5 autres millions vont nous être renvoyés. S'il y a la moindre enquête, on verra aussitôt que les bons de Bayonne sont faux. La bulle explose et le député-maire de Bayonne, Gara, à la fin de l'année 1933, comprend que c'est allé trop loin et cherche à sauver sa peau. Et donc, que fait Gara? Il convoque le caissier véreux, l'homme de paille de Stavisky, Tissier, et il lui demande la convocation immédiate d'un conseil d'administration. Tissier comprend bien que le temps se brouille parce que nous sommes à l'avant-veille de Noël. Il n'y a aucune raison de convoquer un conseil d'administration le 23 ou le 24 décembre. Et donc Tissier, affolé, comprenant que la ruse est découverte, eh bien, va se jeter dans les bras des autorités. En l'occurrence, il se présente tout simplement chez le sous-préfet, et à partir du moment où il commence à parler, le sous-préfet alerte lui-même toutes les autorités, y compris la justice, la police. C'est le démarrage de l'affaire Stavisky. On se rend compte à la fois de l'escroquerie des bons de Bayonne et de la complicité d'un homme politique, complicité qui va déboucher sur d'autres mises en cause, y compris de ministres ou d'anciens ministres qui ont encouragé finalement les entreprises de Stavisky. Dans l'interview qu'il nous a donnée, Monsieur Cap a dit: je le surveillais depuis 10 années, ce Stavisky. Dommage en vérité qu'on n'ait pas insisté, il eût peut-être ajouté ceci: les journaux peuvent écrire que l'on m'a vu à l'Empire un soir en habit. Oui, oui, oui, que faisais-je à l'Empire? Je surveillais Stavisky. Que l'on m'a vu à sa table manger des plats délectables de bon appétit. Oui, oui, oui, que faisais-je à sa table? Je surveillais Stavisky. Et donc là, Stavisky, qui ne veut pas retourner en prison, préfère la fuite et il disparaît. Et on le retrouve le 8 janvier 34 dans son chalet à Chamonix. Et les journaux diront: suicidé de 2 balles dans la tête. Stavisky a disparu, il est dans un chalet qui s'appelle le Vieux Logis. Et lorsque les policiers y arrivent, ils perquisitionnent, ils ne trouvent pas grand-chose, mais ils se rendent compte qu'il y a une pièce qui est fermée à clé. Il frappe à la porte, quelqu'un répond, on ordonne d'ouvrir, et là on entend un coup de feu. Je dis bien un coup de feu, parce que on a beaucoup dit, avec beaucoup d'ironie, Stavisky a été retrouvé suicidé de 2 balles. C'est pas tout à fait ce que nous dit le docteur Jamin. À la villa Le Vieux Logis, un homme était étendu sur une descente de lit, atteint de 2 blessures à la tête, produites par un coup de feu. Il y avait un orifice d'entrée, un orifice de sortie. Le blessé râlait et de la matière cérébrale faisait issue par ces 2 orifices. Aucune trace de lutte n'a pu être constatée, ni dans la pièce, ni sur le blessé. Là où le document est troublant, c'est que cette attestation est écrite à l'encre bleue, de façon relativement posée. Et puis, il y a une phrase très intéressante. À ce moment, des traces de poudre au niveau de la tempe droite m'ont fait conclure au suicide. Mais si on regarde bien, on voit que cette phrase-là, où il est question du suicide, elle a été ajoutée dans un second temps, à l'encre noire dans un document écrit en bleu, et d'une écriture très fébrile, comme s'il y avait eu une pression pour que le médecin complète son attestation par une explication qui dépasse peut-être un peu ses compétences. Bruno Fulini, quel est le rapport entre Stavisky et Albert Prince ? Je ne pense pas qu'Albert Prince ait rencontré Stavisky, du moins dans le privé. En revanche, lorsqu'il était magistrat à la section financière du parquet de la Seine, eh bien, il a eu à connaître l'affaire Stavisky. Et il faut savoir que depuis les années 20, il y a eu une série de rapports indiquant que Stavisky était le type même du chevalier d'industrie. Il y a eu des demandes d'informations, d'enquêtes. Tous ces dossiers-là sont restés un petit peu dans l'ornière, n'ont pas avancé. La question est donc de savoir si c'est de la négligence ou si c'est volontairement que quelqu'un les a fait traîner. Est-ce que ça pourrait être le conseiller Prince? Et alors pourquoi ? Pierre Cornu-Gentil, vous êtes avocat, pénaliste, et vous avez consacré un livre entier à l'affaire Prince. Prince, depuis le mois de janvier 1934, il est en conflit ouvert avec son ancien supérieur hiérarchique, le procureur Pressard. Il parle même d'une haine à mort. Alors, il faut savoir qu'on est en pleine affaire scandale Stavisky. Stavisky a été trouvé mort en janvier 1934, au moment où il est apparu qu'il était à la tête d'escroqueries gigantesques, et au moment où il est apparu également qu'il avait sans doute bénéficié d'une certaine protection ou d'une certaine complicité d'hommes politiques du Parti radical socialiste, qui était précisément le parti au pouvoir ou le parti dominant à l'époque. Et le scandale avait également révélé que le procureur de la République à l'époque des escroqueries en question était le beau-frère de Camille Chautemps, éminent président du Conseil radical, qui était le président du Conseil d'ailleurs, en fonction au moment où est né le scandale. Or, ce qui apparaissait aussi, c'est que le parquet de Paris, dirigé par Pressard, n'avait pas été très diligent au point qu'il n'avait pas tenu compte de divers rapports de commissaires de police, commissaire Pachaud, comme l'inspecteur Gribois, qui désignaient Stavisky comme étant de commettre des escroqueries importantes, et les rapports n'avaient pas prospéré, les enquêtes que réclamait la police n'avaient pas été ouvertes, de sorte que l'opinion publique était choquée de constater que sans la complaisance apparemment, ou en tout cas la négligence, c'est le moins qu'on pouvait dire, de la section financière du parquet, le parquet de Paris étant dirigé par Pressard, Stavisky n'aurait peut-être pas pu commettre toutes les escroqueries qui se sont révélées par la suite. Or, à l'époque des faits, Albert Prince était chef de la section financière du parquet, et c'était lui qui avait reçu les rapports en question. Et très vite, la question s'est posée de savoir si ces rapports avaient été classés, manifestement un peu vite, et la question qui se posait, c'était celle de savoir si Prince avait informé sa hiérarchie, en l'occurrence le procureur Pressard, ou si de son propre chef il avait classé ces rapports, s'il l'avait fait sur instruction de Pressard, et donc très vite, il est apparu une opposition à mort, effectivement, entre Prince et Pressard, car le scandale allait révéler lequel des deux, ou pouvait révéler lequel des deux étaient responsables de l'indulgence dont avait bénéficié Stavisky. Et c'était une idée insupportable pour l'un comme pour l'autre. Bien sûr, pour tous les opposants au régime, pour l'extrême gauche et surtout pour l'extrême droite, les ligues, les royalistes, les fascistes, tous ceux qui veulent abattre la gueuse, c'est une affaire extraordinaire. Il y a des liens présumés entre un escroc, un magistrat, des hommes politiques, police politique, franc-maçonnerie. C'est un cocktail absolument détonnant. Et puis nous sommes dans une période, bien sûr, de crise, avec depuis 1931, un chômage important, des tensions importantes. Donc cette affaire louche va mettre le feu aux poudres et va se traduire par de véritables émeutes le 6 février 1934 avec 20 morts dans Paris. Nous sommes à un moment où vraiment la République vacille. Ça n'est pas une affaire politico-judiciaire comme une autre. Cette double affaire Stavisky-Prince, c'est une affaire qui met vraiment en danger les institutions républicaines européenne, les radicaux qui avaient largement remporté les élections de 1932 se trouvent mis en accusation, se trouvent fragilisés et pris en étau entre d'anciens alliés de gauche, même les socialistes, hein, qui sont très critiques, et puis surtout une extrême droite qui rêve de tourner la page du parlementarisme. Quand le scandale est né, le gouvernement a décidé de nommer le premier président de la Cour de cassation, c'est-à-dire le plus haut magistrat du pays, à la tête d'une commission administrative chargée précisément de savoir pourquoi les rapports de police avaient été classés si vite par le parquet de Paris. Et Albert Prince va trouver le président Lescouvé et dit « Mais j'ai retrouvé chez moi des papiers qui confirment bien que c'est sur instruction de Pressart que les rapports de police ont été classés et je suis en mesure donc de faire la démonstration de mon innocence ou du fait que la responsabilité du classement n'est pas la mienne mais celle de Pressart. » Lescouvé lui dit « Bah, écoutez mon ami, faites-moi un rapport, rejoignez-moi les pièces et puis revenez me voir lundi prochain avec ces documents pour que je puisse continuer mon enquête sur la base des révélations que vous allez me faire. » On parle du lundi 19 février. Et ce jour-là, Prince laisse un mot au premier président Lescouvé, lui disant qu'il n'a pas eu le temps de rédiger la note qu'il avait prévue, qu'il pourra la lui remettre le mercredi ou le jeudi suivant. Et le lendemain, Lescouvé demande à le voir parce qu'il trouve que c'est un délai trop long. Il exige d'avoir de lui son compte-rendu, ses pièces et sa note le mardi. Or, il apprend que Albert Prince a pris un train pour Dijon, qu'il n'est pas joignable, que donc il lui faut attendre son retour pour obtenir le rapport qu'il attendait. On arrive à établir, Jean-François Mignac, l'emploi du temps d'Albert Prince de la journée du mardi 20 février. Comment se passe-t-elle pour lui ? Elle débute sereinement par une partie de piano. Hein. C'était un pianiste, donc c'est quelqu'un qui joue au piano chez lui. C'est quelqu'un qui a rendez-vous aussi, un rendez-vous professionnel, hein, puisqu'il va aller plaider aux assises de la Seine en début d'après-midi. Et donc c'est quelqu'un qui part de chez lui au matin, qui va flâner hein, en réalité et qui se dirige tranquillement vers le palais de justice en fait, hein, sur l'île de la Cité. Et pendant ce temps, donc son épouse qui est toujours chez elle reçoit un coup de téléphone entre 10h30 et 11h d'un homme en fait qui se prétend être en fait médecin dijonnais et qui lui annonce que donc sa belle-mère, la mère du conseiller Prince, est souffrante et qu'il y a une nécessité, il y a une occlusion intestinale et donc il y a une nécessité d'intervenir et que il y a aussi nécessité que le conseiller Prince se rende à Dijon pour donner son autorisation au médecin. Et sur cette entrefaite, le conseiller Prince veut acheter un journal et s'aperçoit qu'il a oublié son portefeuille et donc il retourne chez lui et là donc son épouse lui fait état du coup de fil et de suite il prend la décision d'aller rejoindre Dijon, donc prend ses affaires très rapidement, prend donc ce dossier, ce fameux dossier sur l'affaire Stavisky et se rend gare de Lyon. Donc il prend ses billets, il prend un billet aller-retour et donc il appelle à nouveau cette épouse pour lui indiquer qu'il part par le train de 12h32 et qu'il a oublié une partie du dossier. Et donc on sait qu'il arrive à 16h40 en fait en gare de Dijon, il donne son billet en fait à un préposé et il y a aussi un télégramme qui est envoyé donc à 16h57, hein, donc voilà un petit quart d'heure après, qui est envoyé donc à Madame Prince, et ce télégramme est un télégramme rassurant, donc qui indique que le docteur Allinger est rassurant d'une part, et que Prince donc a rendez-vous à 18h à la clinique. Voilà. Jean-Marc Berlière, on est à la gare de Dijon. Ça a dû quand même changer depuis 34, non ? Ah, la gare a complètement changé. Hein. C'était une gare qui se présentait comme le sont encore les anciennes gares. Vous savez, une grande verrière avec, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Nîmes et autres. Et c'est donc dans cette gare qu'arrive le 20 février 1934 Albert Prince. Hein, il a pris le train à 12h30, quelque chose comme ça, à Gare de Lyon. Et il arrive à 16h44, je crois, le train a 4 minutes de retard. Donc il va vers la sortie, hein, qui se présentait différemment à l'époque. Et il passe un télégramme à son épouse. Le télégramme est daté de 16h50, hein, si je ne m'abuse. Et le texte est intéressant. Je l'ai recopié. Hein. Arrivé, V à la clinique. Consultation à 18h, docteur Alain G, c'est tout le problème, hein, puisqu'il se trompe dans le nom du médecin, déclare état aussi normal que possible. Et donc, entre 16h44 et 16h50, l'envoi de ce télégramme, il n'a pas eu matériellement le temps de téléphoner à la maison de retraite où sa mère est supposée dans un état grave, avec une occlusion intestinale. Donc, il n'a pas téléphoné, il invente et c'est pas la première, mais c'est surtout pas la dernière des anomalies de toute cette affaire. Et après cet envoi du télégramme ? Bah écoutez, on va prendre le chemin, hein, il est sorti de la gare et il va se diriger. Il y a des hôtels, vous savez, un hôtel terminus, un hôtel, etc. Et il va donc déposer ses bagages et retenir une chambre, remplir une fiche d'hôtel à l'hôtel Moreau. À quelle heure est-ce qu'il arrive à l'hôtel Moreau ? Difficile à dire, c'est à 50 mètres, hein, 60 mètres. Donc il a dû arriver à... Son télégramme est de 16h50, il a dû arriver vers 17h. Quand il a rempli sa fiche, il est 17h. Hein, et le concierge qui l'accueille lui propose d'aller visiter sa chambre. Il lui dit « j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous ». Et le concierge témoignera régulièrement qu'il a quitté l'hôtel à 17h. Et à partir de 17h, plus personne ne l'a revu vivant. Dijon, le 21 février 1934. Le cadavre d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert au kilomètre 311-800 sur la voie ferrée entre les gares de Plombières et de Dijon dans les circonstances suivantes. Vers 21h, le mécanicien du train de messagerie 4805, visitant sa machine au dépôt de Périgny, constatait que des lambeaux de chair et une certaine quantité de matière cérébrale se trouvait sur les roues et les parois de sa machine et du tender. Le cadavre se trouvait sur la voie 1, au kilomètre 311-850, au lieu-dit pont de la Combe de la Fontaine aux Fées. Le corps était déchiqueté et la tête sectionnée se trouvait à une vingtaine de mètres du corps qui était étendu sur le dos entre les rails de la voie 1. L'un des bras était sectionné, le pied droit complètement broyé, et à la hauteur de la cheville, une cordelette en chanvre entourait la jambe, trois tours avec nœud. Un peu plus loin, sur le talus, était découvert un couteau à cran d'arrêt, avec lame de 16 cm, taché de sang, avec manche en corne, paraissant neuf. Toutefois, il n'a été trouvé aucune trace de blessure faite par arme à feu ou couteau. Signé Gabillot, commissaire divisionnaire, chef de la 11e brigade de police mobile. C'était la première partie de « Mais qui a tué le conseiller Prince ?», un documentaire de Romain Weber et Yvon Croisier, avec Bruno Fulini, Jean-François Mignac, Jean-Marc Berlière, Pierre Cornu-Gentil, avec la voix de Gilles Lacombe et des extraits de Stavisky d'Alain Resnais. Il faudra attendre demain à 13h30 pour connaître la suite de cette terrible affaire Prince. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.